Oh, évidemment, personne n'a écouté, c'est scandaleux ici, tout le monde parlait. C'était merveilleux. Mais voilà, j'espère que vous avez écouté de votre côté. J'ai trouvé ça remarquable. Merci beaucoup. Moi aussi. Merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, hein, vraiment. Ariel écoutait au casque et était complètement voilà, à l'intérieur de cette musique. Dark Space, un groupe suisse qui se produit très peu, qui a un côté un peu mystérieux comme ça. Et donc, voilà, que j'ai eu la chance de voir au dernier Hellfest. Peut-être que vous entendrez tout à l'heure un morceau du groupe Yob. Y-O-B, voilà, on n'est pas encore sûr. Un Doomstoner. Voilà, je vous dis avec les phrases. Franck Dion est un réalisateur. Je voulais faire. Il est mort. Putain. Je vais commencer par quelque chose d'un peu bateau, mais l'inventaire faisait sans générique à peu près 8 minutes 20. Monsieur Cobb, 10 minutes, un peu moins. Et là, on est passé à 14 minutes 25 sans les génériques. Ouais. Pour Edmond Tétanat, c'était quelque chose. Vraiment une envie de passer à. Là, on est quasiment à 50% de plus, même par rapport à Monsieur Coq, au niveau, alors ça fait très mathématique, mais au niveau d'un scénario, au niveau d'une écriture, de passer un peu plus long. Je crois que c'est l'écriture qui a imposé ça. Ce n'était pas une volonté de ma part. D'accord. Parce qu'en général, je n'aime pas trop les courts-métrages. Pour moi, un court-métrage, c'est court. Et je n'avais pas du tout envie de faire quelque chose qui dépassait les 10 minutes. Et puis, c'est l'écriture. Voilà, je me suis dit, bah, le film va faire 15 minutes. Voilà, je ne me prive pas de ça. D'accord, il y a eu. Ça s'est fait comme ça. C'est le scénario, l'histoire et le personnage. C'est le scénario. Ouais. Je lis rarement les dossiers de presse, mais Franck, ça fait un peu de temps qu'on se connaît, que je l'ai interviewé, donc je me suis dit, je vais lire ce qu'il y a dans le dossier de presse. Il y a une interview dans le dossier de presse, je me suis dit, peut-être que, voilà, il y a des choses. Et donc, voilà, j'ai quelques petites phrases du dossier de presse, et c'est toujours le personnage qui débloque une histoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai tellement l'impression que certes, tu es dans le visuel, mais que, aimant la prise de vue réelle, et tu te dis souvent, voilà, la prise de vue réelle, quelque chose d'important pour toi, que. L'histoire et le scénario peut pas se détacher facilement. Ça peut pas être juste un personnage qui ou alors faut vite que le personnage raconte une histoire. J'ai l'impression. C'est faux ou... Non, absolument. Et plus je vieillis et plus je me désintéresse. Alors c'est relatif, hein, mais du graphisme et plus le fait d'écrire des scénarios m'intéresse. Et puis surtout aussi de, enfin surtout non. À enthousiasme égal, la réalisation, le montage, vraiment, c'est des choses qui m'intéressent énormément. Mais c'est vrai que c'est souvent un personnage que je dessine qui va m'apporter la psychologie de ce même personnage et qui va là, hop, me faire imaginer une histoire. Donc là, pour Edmond Tétanat, c'était. Ben, je dessine un personnage. L'air un petit peu simplet, qui avait un bonnet d'âne donc, sur la tête, et qui, contrairement à ce qu'on pouvait prévoir, là, en tout cas sur le dessin, a l'air heureux et plutôt même fier de porter son bonnet. C'est lors d'un dîner avec des amis, d'un seul coup, c'est ça? Ou alors non, c'est dans une réflexion, en disant, bon, là, maintenant, il faut que je trouve des personnages. C'était dans un moment où j'allais pas très bien. Oui, j'étais un peu triste, un peu comme ça, humeur morose, ouais. Où je me sentais un peu désemparé face à certaines choses de la vie, quoi. Des fois, on galère un petit peu. Et puis, je me sentais un âne, quoi. Et j'aime bien parce que j'ai eu la chance de faire, il y a plus de 10 ans maintenant, des animations pour un documentaire de Maryse Berganza. Qui était sur les ânes. Et quand on m'a fait cette proposition, alors là c'était un documentaire en live action, hein, mais qui se voulait être un abécédaire entrecoupé donc d'animations très sommaires. Je le précise puisque c'est moi qui faisais l'animation et je ne suis pas animateur. Par des choses un peu loufoques comme ça. Et quand on m'a fait cette proposition, j'ai accepté, mais en me disant que les ânes, ça ne m'intéresse absolument pas. Quel intérêt de faire un truc sur les ânes? C'est un animal qui ne parle pas. Les chats, oui, mais les ânes... Et c'est là que j'ai découvert vraiment un animal extraordinaire. Très doux, très réfléchi, petit animal prolétaire qui porte vraiment... vraiment un animal très attachant. Très, très attachant, bien au-delà de l'image que j'étais le premier à avoir de cet animal. Donc quand tu fais ce petit croquis, il y a ce documentaire qui revient en tête en disant... Oui, c'est même tout... C'était très intellectuel au départ, Edmond était un âne, parce que j'étais parti carrément dans la mystique, notamment sur le poème de Victor Hugo, L'âne, qui parle de choses assez compliquées, qui est que l'âne, il porte les mystères qu'il ne comprend pas en relation avec Dieu, c'est des choses très, très complexes. Et puis, il y avait aussi le fameux film de Bresson, Au hasard Balthazar, qui m'a beaucoup marqué, qui est un film que j'aime beaucoup. Et puis, bon, heureusement, ça s'est épuré, parce que ça aurait été imbitable, sinon, je veux dire, de toute façon, même moi, je n'arrivais pas à le gérer, je ne suis pas un intellectuel, donc je n'aurais pas réussi à gérer tout ça. Mais bien évidemment, que dès que j'ai fait ce personnage, c'était habité par cette idée-là, cette idée d'un homme qui contrairement à d'autres, était content et se découvrait une nouvelle nature, sa véritable nature, sous les traits d'un âne. Le plaisir donc d'avoir un symbole finalement à l'opposé de ce que la plupart des gens pensent de symbole finalement. Voilà, exactement. D'aller à contrario du symbole. Tu dis aussi à un moment donné être à l'inverse de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire d'un seul coup qu'il y a un personnage qui lui, dans l'animation en effet. Ça me faisait vraiment marrer. Ouais. Ça m'amusait énormément. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, en animation surtout, de faire parler les animaux avec des caractères d'hommes. Alors moi des fois ça m'éclate quand c'est dans du cartoon à la Tex Avery, et puis ça m'afflige de plus en plus quand je vois des merdes comme en images de synthèse comme on peut voir aujourd'hui, ou des merdes animées en dessin traditionnel, mais qui sont d'une bêtise affligeante, tellement ça nous ramène à un nombrilisme humain, et l'animal il est juste là pour servir la soupe. Et là je trouvais très intéressant d'inverser la vapeur, ça veut dire d'attribuer à un être humain le caractère d'un animal, donc d'un seul coup on comprend plus. On se dit, tiens, ce trouble-là m'intéressait énormément. Et pour faire un résumé rapide, c'est un homme en fait qui d'un seul coup se voit affublé. Alors évidemment, si vous l'avez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous podcastez, vous coupez pour l'instant, je suis désolé, voilà, on va rentrer quand même un tout petit peu dans quelques détails. On va pas trop, on va pas. Quoique si, à un moment donné, mais je vous dirais, je ferai un bip pour dire qu'on va parler de la fin ou des choses comme ça, parce qu'il faut quand même qu'on entre aussi dans certains détails. C'est un homme qui, d'un seul coup, se voit affublé par des collègues de travail qui ont l'habitude de l'ennuyer, de jouer un peu avec lui parce qu'il est un peu trop sérieux, de l'affubler d'un bonnet d'âne, et finalement, il se rend compte que c'est pas si mal que ça. C'est ça, c'est l'histoire d'un homme qui a la grisaille de la simplicité, qui a une vie tout à fait monotone, vu de l'extérieur, qui n'a pas l'air triste. Enfin, si, il peut avoir l'air triste, moi je pense qu'il n'est pas triste. Il est juste presque comme un robot, mais il a une femme qu'il aime, il s'entend bien avec son chef de service, enfin, il a quand même une vie sociale, il se fait taquiner par deux imbéciles avec lesquels il travaille, mais ça n'a pas l'air de le tourmenter plus que ça. Et puis un jour, ils lui font une farce, ils lui mettent un bonnet d'âne sur la tête. Et là, Edmond, il a une révélation face au miroir. Il se voit en âne et il se dit... il se sent un âne. Et il va assumer cet état d'être contre vents et marées, et surtout contre l'incompréhension des gens qu'il aime. Ce qui est peut-être beau aussi dans Edmond, c'est qu'à la différence de certains films, c'est que justement ce que tu viens de dire, tu insères le caractère dans du quotidien, dans un quotidien qui n'est pas aussi triste qu'il y paraît, sauf au tout début, à la rigueur, quand on explique qu'il a eu cet accident d'ascenseur pendant le générique. C'est une connerie, ça. Qui est une connerie, non, mais qui a un jeu par rapport à ça, qui est étonnant parce que qui nous renvoie au générique de l'inventaire fantôme. Oui, c'est fait exprès. Voilà, du début à la fin en ascenseur, et qui évidemment est un jeu, parce que l'idée de se dire en plus peut-être qu'il est devenu fou à part avoir ça, c'est pas étonnant, etc. Donc tout un jeu là-dessus. Mais c'est inséré dans ce cadre quotidien avec sa femme qui dit mais on s'aime, on les voit faire l'amour, il mange, il va à son travail, il est dans les transports quotidiens, comme tout le monde. Sauf qu'il est plus petit, donc il a une impression d'oppression qui est démultipliée. Mais il a le même quotidien. Il a le même quotidien. C'est pas quelqu'un qui est triste dès le début. Donc finalement, quand il se découvre différent, en fait, on lui impose un peu cette différence. On lui montre qu'il est différent. Je suis pas certain que lui cultive cette différence. Ça veut dire que lui, ça devient une évidence. Il y avait aussi cette problématique pour moi de parler à travers l'histoire d'Edmond des gens qui. Bon, c'est toujours la même chose, mais bon, c'est ce à quoi j'ai pensé quand j'ai écrit le scénario. aux gens qui ne sont pas nés dans la bonne peau, aux transgenres. Je trouve que c'est d'une telle violence, cette problématique, de naître... on est une femme et puis on est dans un corps d'homme ou le contraire, mais c'est incroyablement violent. Et je crois qu'Edmond est un peu dans cette... sauf que lui, sa véritable nature, c'est d'être un âne. Donc on va encore au-delà de... puisqu'il n'est plus un humain, mais plutôt un animal. Et il y a cette compréhension qui est quand même étonnante, parce que est-ce que l'animation permet ça? Est-ce que le court-métrage permet ça? Finalement, on n'est pas dans le mélodrame. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme beaucoup, il peut y avoir dans Transgenre, d'un seul coup, alors j'ai pas vu le dernier film de Xavier Dolan, qui parle de ça, qui parle d'un homme qui se découvre femme et qui, du jour au lendemain, va en cours habillé en femme. Ouais. Et donc, il voit évidemment la confrontation avec son quotidien. Ouais, bien sûr. Là, on a quelque chose qui est presque plus doux, plus tendre dans le film. Oui, parce que je pense que le personnage d'Edmond est doux et tendre. Et il est entouré de gens doux et tendres. Parce que même les deux abrutis qui racontent au début là qu'il paraît que oui, parce qu'ils connaissent rien, ils sont tellement dépassés par ce qu'était ce personnage d'Edmond que ils racontent des bêtises quoi, en disant il s'est cassé la gueule 10 étages en ascenseur, c'est pour ça qu'il est devenu fou, alors que pas du tout. S'il veut plus monter les ascenseurs, c'est que une fois il monte dans un ascenseur, il est resté coincé 48 heures, oui, sans rien faire, sans appeler rien, il est resté immobile. Donc voilà, enfin moi j'en parle, ça me fait marrer, parce que c'est le comportement d'un âne, ça. C'est-à-dire que l'âne, il va avoir un traumatisme et après, plus jamais, il retournera dans un ascenseur. Ben non, c'est pareil, après, plus jamais il retourne dans un ascenseur. Il y a quelque chose qui est récurrent dans ton cinéma, c'est l'homme perdu face au décor. Oui. Dans l'inventaire fantôme, lui-ci est un peu perdu, même complètement. Dans Monsieur Coq aussi, que ce soit d'ailleurs Monsieur Coq... bien sûr, ou le barbu sauvage. Ouais, barbu énervé, oui. Et là aussi, finalement, on a un personnage qui est de nouveau perdu dans un décor. Bien sûr, oui. Il y a toujours cette réflexion sur la société, sur finalement, comment on situe nous, comment se situe chaque personne par rapport à cette société qui nous entoure. Non, je crois que c'est beaucoup plus primaire que ça chez moi. Ça veut dire que c'est vraiment l'envie de faire des gros décors, genre Hollywood. Non, je simplifie. Mais c'est vrai que graphiquement, j'aime beaucoup ça. C'est vrai de jouer, et puis surtout dans le cadre de... Mais c'était aussi, voilà, pour l'inventaire fantôme, je voulais que le personnage soit noyé dans un décor qui soit énorme. C'était fait exprès, et comme le format d'ailleurs, qui peut paraître très pompeux comme ça, c'est du 2,35 Edmond, mais c'est vraiment fait exprès. C'est parce que je voulais, comme on est censé être à New York, je voulais que le spectateur imagine les verticalités. Et donc ça renforce cette sensation d'immensité et de ce petit personnage qui est perdu, parce que tout est à son niveau, les cadres, le film est cadré au niveau d'Edmond qui est plus petit que tout le monde. Et voilà, je voulais amplifier ce côté de petit bonhomme perdu dans la cité, en tout cas pour le spectateur. Moi je suis sûr que lui il n'est pas du tout perdu. Ce qui est étonnant, alors c'est peut-être moi uniquement qui l'ai vu par rapport aux autres films, c'est que justement j'ai ressenti... peut-être que j'avais marqué dans ma question, voilà, d'un personnage perdu dans un décor trop grand qu'il essaye de dompter dans l'inventaire, puisqu'il essaye quand même de tout noter Ah bah là il veut avoir la maîtrise, voilà. Dans l'inventaire fantôme il veut avoir la maîtrise de l'environnement, puis ça. Qui veut faire exploser dans Monsieur Coq, ouais, qui l'explose à la fin, voilà, il le fait exploser à la fin. Dans Edmond, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus peut-être apaisé. Je trouve que les décors sont importants, mais pas autant que dans les deux précédents films. Beaucoup plus de couleurs, enfin, on est beaucoup plus dans la lumière, on est beaucoup plus dans quelque chose de presque transparent, comme si finalement le décor était là, mais il n'avait peut-être pas autant d'importance que dans les deux premiers. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis en plus, l'inventaire fantôme et Monsieur Coq ont des connotations franchement fantastiques. Ce qui n'est pas le cas d'Edmond, qui est censé se passer... bon, alors, ça ne se voit pas, parce que c'est un endroit du scénario que j'ai mis un peu de côté, parce que c'était compliqué, mais l'histoire est censée se passer à New York en 1968, parce que c'est l'époque de l'émancipation des droits civiques, de l'émancipation non seulement des gens de couleur, mais également des homosexuels, des transgenres, du féminisme, enfin bref, où les gens s'émancipaient grâce, en partie, au combat de Martin Luther King. D'où un... En plein milieu du décor, alors qu'il y a peu de décors dans l'appartement. Oui, il y a un portrait. Il y a un portrait de Martin Luther. Bien sûr, ça j'y tenais, oui. Edmond et sa femme, on peut imaginer qu'ils ont été à des meetings de Martin Luther King, et ils ont son portrait. C'est pour ça qu'il va avoir ce personnage hors norme, pour l'époque, qui est Tata Fiesta. Oui, bien sûr. Parce qu'en effet, après, lui ne s'inquiète pas par rapport au personnage de Tata Fiesta, et au contraire, ça lui permet d'aller encore plus loin dans tout à fait sa recherche de nouveaux corps, on va dire. Ouais, mais dans le fait de s'assumer, pleinement, de s'émanciper, même pas de s'assumer, parce qu'évidemment, il s'assume à partir du moment où il se découvre Anne. C'est même pas un souci chez lui, ça va pas lui poser un problème. Il se sait Anne, il devient Anne. Tata Fiesta, ça lui permet de s'émanciper. Par le biais d'un bonnet fait sur mesure cette fois, qui n'est plus un bonnet d'accident. Ouais, donc c'était mal. Je trouvais que le film était plus optimiste. Est-ce qu'il y a que moi? Parce que il y a cette phrase à la fin. Non, j'arrive après à la fin. On va parler de la fin après, parce que c'est une fin que je trouve étonnante et on va en reparler. On va parler un peu plus, pas technique, mais en tout cas, on revient avec les collaborations du troisième film pour le musicien, puisque c'est Pierre Caillé, oui, on l'a entendu au début. Donc, j'ai l'impression, on en avait déjà parlé peut-être à ce micro, en tout cas en dehors, j'ai vraiment l'impression que ton envie de théâtre et ce que tu as fait en théâtre, il y a vraiment l'idée de troupe qui est importante. Papy 3D, ouais. Train-train. C'est vrai. Créer, c'est important pour toi d'avoir ça. Je suis quelqu'un de très solitaire, très individualiste. Toute l'année, je travaille seul. J'aime pas les patrons, j'aime pas. Ça fait que je suis vraiment très, très. Et en même temps, j'ai besoin de fraternité, mais de vraie fraternité. C'est-à-dire que j'ai besoin, dans le travail, de travailler avec ce que j'ai besoin des autres pour faire mes films. Je refuse catégoriquement de passer 10 ans tout seul sur un film. Je pourrais le faire, hein, pourquoi pas, mais ça m'intéresse pas du tout. Et pour moi, de faire un film, c'est aussi l'occasion de partager quelque chose avec une équipe, avec une troupe. Effectivement, tu as raison de parler du théâtre. C'est sans doute ce qui m'est resté du théâtre. Vraiment, ça me vient du théâtre, ça. Et de préférence, avec les gens avec qui ça a fonctionné sur les films précédents. Donc, ça a été le cas pour Pierre, le musicien avec qui j'ai travaillé sur les trois films. Avec très tôt l'envie de partager, en plus, avec lui. Oui, de partager, c'est ça, de lui en parler. C'est-à-dire que le scénario n'est pas terminé. Hop, je vais le voir, je lui dis, voilà, il y a ces articulations-là. Est-ce que, regarde, écoute ça. Alors, pour Edmond, je l'ai emmerdé avec des Stabat Mater, avec de la musique savante. Parce que, je sentais que... Puis en plus, c'était le moment où je voulais aller dans une direction beaucoup plus intello. Et puis après, on a été. Mais c'est très intéressant. C'est le fait de discuter. Moi, j'aime beaucoup discuter avec les gens avec qui je travaille, parce que ça permet de faire avancer les choses, d'ouvrir comme ça un prisme, enfin de l'élargir en tout cas. Pareil pour Papy 3D, c'est-à-dire qu'il y a l'envie de se dire, Gilles Cuvelier, Jérémy Clapin, et de leur dire, puis les autres, enfin voilà, Richard Van, dire, tiens. Il y a un scénar, il y a des choses. Prendre certaines choses, pas tout, évidemment. Comment ça se... Papy 3D, c'est bien évidemment. Alors là, c'est l'outil de travail en vue d'être indépendant par excellence, puisqu'il nous appartient. C'est une société de production qui nous appartient. Donc ça, c'est magique. Sur Edmond, il y a eu énormément d'échanges et de complicité avec Richard Vandenboom. Qui a fait un travail remarquable, parce que c'est quand même une coproduction avec Arte et l'ONF, qui sont deux monstres quand même, et nous, petit Papy 3D au milieu de ça, en tant en plus que producteur majoritaire. Hein, donc, ça a demandé des retours de contrat pas possibles, mais bref, tout est rentré dans l'ordre, tout a été mené à bon port. Mais c'est vrai que là, sur ce coup-là, on a vraiment été très, très proches. C'est surtout Richard, bien sûr, qui s'est occupé de tout le côté administratif. Mais voilà, c'est une collaboration qui me plaît beaucoup. En termes de sur un plan plus technique ou artistique, il y a aussi cette collaboration avec le studio Train-Train, ouais. Qui est situé à Lille, qui est un studio d'animation. Et, oui, c'est vrai que le studio Train-Train, c'est que des amis. Donc, c'est plus facile. Quand travaux, ça peut être plus difficile. Ça a été plus difficile sur ce coup-là, parce qu'il y a eu des ennuis techniques. On était sur une nouvelle technique, on était donc sur la 3D. Il y a eu des choses qui n'allaient pas. Et en plus, je n'étais pas sur place. C'est-à-dire que tout se faisait à distance, par ordinateur. Mais ce n'est pas du tout la même chose que lorsqu'on ouais. est sur place. Et il y a eu un moment où ça n'allait pas et où je me suis mal exprimé. Et où les gens l'ont pris pour eux en se disant qu'ils ne faisaient pas du bon boulot. Et donc, ça a jeté un trouble. mais qui n'a pas duré longtemps du tout, mais qui était emmerdant et que j'avais jamais eu sur Monsieur Coq. Et puis après, ça c'était vraiment au début de l'animation. Après, ça a été impeccable. On a fait avec ce qu'on avait. Et puis, Mais ce qui fait que finalement, entre amis ou en tout cas entre personnes qui se connaissent et qui se respectent, c'est plus facile pour toi ou pas par rapport à l'inventaire fantôme ou avec des gens que tu connais. Non, non, moi je ne sais pas forcément, exemple. Je préfère sincèrement. Je préfère. Il y a le côté où il ne faut pas non plus confondre quand on travaille. C'est mon film, ce que je dis. Moi, j'aime pas les patrons, mais en revanche, sur mes films, c'est moi le patron. Donc, quand je bosse sur une production, moi, je suis ouvert à tous les avis. Mais par exemple, les avis d'ordre artistique sur la direction artistique du film m'intéressent absolument pas. Je veux dire, c'est comme pisser dans un violon. Et puis même, ça m'énerve. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est mon film. Si je me plante, voilà, c'est comme ça, c'est le choix. Après, techniquement, bien évidemment, je suis tout à fait ouvert. Enfin, j'espère. Mais pour en revenir, donc pour répondre plus rapidement à la question, est-ce que c'est plus simple de travailler avec des amis? En ce qui me concerne, c'est plus simple parce qu'on se comprend mieux et c'est plus rapide. Quand l'indépendance est quelque chose d'aussi important, on comprend dans le discours que Papy 3 a été créé pour ça, travailler avec des gens qu'on connaît, etc. Donc, l'envie d'être indépendant. En effet, on en a parlé, travailler avec Arte, qui est l'un des plus gros producteurs, si c'est le plus gros producteur en France, voire peut-être même dans le monde, au niveau de l'animation. il y en a peu, finalement, des chaînes qui mettent autant d'argent, qui mettent autant. Et l'autre, alors géant aussi, qui est l'ONF, qui est là sûrement, alors là, par contre, le plus gros producteur indépendant quasiment dans le monde. On est à la fois sûrement, je suppose, super content qu'on apprend ça et on a un peu, on se dit putain, il va falloir se battre ou. Bah voilà, ça a été exactement ça. C'est-à-dire que avec Hélène Vessière, que je connaissais parce qu'on était, on a travaillé ensemble, notamment au CNC, lorsqu'elle m'a fait part de son intérêt, on va dire, pour Edmond, j'ai eu très peur. Je lui ai dit, bon, écoute, ok, très bien. Mais j'ai eu très peur dans la mesure où je ne voulais surtout pas qu'elle vienne interférer de manière encombrante dans, d'abord dans le projet artistique et puis aussi dans le mode de production. Et j'ai très bien fait d'accepter parce qu'on a discuté du scénario pendant 5 minutes. Elle m'a dit là, je ne suis pas certaine de. Bon, elle a pris des gants parce qu'elle sait que je n'ai pas un caractère très facile, que je peux être une vraie tête de cochon. Donc. Mais ça s'est réglé en 5 minutes. Elle m'a fait retirer une séquence qui ne servait à rien. Et je lui ai dit merci. Je lui ai dit, c'est impeccable. Alors là, il n'y a que ça? Oui, il n'y a que ça. Bah, je lui ai dit, c'est parfait. Continuons comme ça. Et elle m'a même proposé, parce qu'initialement c'était un préachat qui était prévu, elle m'a proposé une coproduction pour que Edmond ait plus d'argent. Et c'est pour ça qu'on est rentré en coproduction. Et le projet lui plaisait tellement que c'est elle qui m'a présenté Julie Roy de l'ONF. D'accord. Et je me souviens toujours quand elle m'a dit « Ah, Franck, au fait, j'en ai parlé à Julie Roy de l'ONF. » Et en rigolant, enfin, qu'à moitié, je lui dis « Mais de quoi je me mêle ?» C'était ma première réaction. Et là, Hélène me dit « Non, non, mais t'es pas obligé de... » Non, mais tout ça pour dire que j'ai une réticence naturelle, effectivement, à travailler avec des gens, des grosses structures. Tout ça parce que le désir d'indépendance, il est là. Ouais. Et quand on a commencé à travailler avec Julie, bah, c'était un véritable bonheur parce que ça se passait extrêmement... Et ça s'est très, très bien passé. C'est une plus-value absolue pour le film. Avant de parler un peu de la fin et évidemment beaucoup de mise en scène, est-ce que tu peux nous parler... Moi, il y a une voix que je trouve magnifique dont on ne parle pas et qu'on ne voit pas, qui est la femme d'Edmond. Ah oui. Je la trouve incroyable, cette voix de la femme d'Edmond. Les autres sont très bien, mais elle a une justesse. Elle a très peu... Et je la trouve très touchante et très réussie. C'est qui? Comment Alors, pour la version... Française, oui. Ah, bah, on parle de la version française. Oui. Parce que celle en anglais est très belle aussi. Et c'est marrant, c'est un peu le même type de voix, type de timbre. Alors, la comédienne qui joue la femme d'Edmond, c'est Bérangère Bonvoisin, qui est une comédienne que je connais, qui est une copine, en fait, du quartier dans lequel j'habite. Et on se croisait souvent... Et moi, la première chose que j'ai retenue d'elle, la première fois que je l'ai vue, c'est sa voix, qu'elle a une voix superbe. Et en écrivant le personnage de la femme d'Edmond, je pensais à elle. C'est-à-dire qu'avant même d'écrire le texte, c'est-à-dire que le texte est à peu près, on ne va pas dire sur mesure, mais je pensais à elle en l'écrivant. Voilà. Et ça, je trouve que ça se sent incroyablement... Ah bah c'est super. C'est incroyablement fort, je trouve, cette voix de... Elle colle très bien, ouais, effectivement. Ouais, elle est très touchante. C'est bien. Elle apporte énormément par rapport à... Ah oui, je trouve qu'elle apporte beaucoup. Oui. Au film. Alors, Comme tu dis, il y a une réalisation qui très peu de mouvements de caméra. On est dans quelque chose d'assez fixe. Bah, j'aime pas du tout les mouvements de caméra. Ah, ouais, ça sert à rien. On est, et c'est vraiment très beau parce qu'on en a vraiment très très peu. À part quand on découvre. Découvre qu'il est, enfin voilà, la caméra qui se bouge légèrement. Bah, là se bouge un peu les fesses, quoi. La caméra. De temps à autre, il faut que je regarde ce qu'il y a derrière, et, etc. Et puis il y a des très bons moments de son aussi. On a par exemple le bruit des chevaux à la fin où finalement il panique de nouveau et que même s'il est soi-disant guéri, cette difficulté finalement de dire à un moment donné, je crois qu'il y a un des personnages qui dit il était revenu, oui, sa femme qui dit il était venu comme avant. Et donc, en fait, peut-être cette impossibilité de revenir comme avant, une fois qu'on a... Ah, pas pour moi. Non, mais pour moi, au-delà de tout truc, pour moi, ça parle d'un type qui est malade, qui est mentalement malade. Ouais. Il est complètement à côté de ses pompes, Edmond. Sauf qu'il n'arrive pas... Oui, sauf qu'il y a l'acceptation de cette idée. Non, puis j'espère avoir fait passer le truc d'une forme d'empathie et où on croit à son histoire, où on croit que c'est vraiment un âne. Mais... Moi, je suis dans la schizophrénie permanente. D'un côté, je me dis, mais ce type, de toute façon, est malade. Je fais un film sur un homme malade, délirant. Et d'un autre côté, bah non, c'est un âne, donc il est heureux. Quand... Enfin, bon, c'est un film sur quelqu'un qui est différent et qui, d'un seul coup, se dit qu'il vaut mieux accepter sa différence dans un monde comme le nôtre. C'est pour moi, hein, c'est complètement personnel. Ben non, mais c'est... Pour moi, c'est, quelqu'un qui... c'est un film sur quelqu'un qui trouve sa voie. Oui, c'est ça, qui a enfin réussi, qui a enfin comprend. Oui. Et je trouve ça très touchant et très beau qu'il trouve sa voix et je suis très contente pour lui. Ah bah, tant mieux. Bah, tant mieux. Et d'ailleurs, ça va tellement loin, je dois t'avouer, que j'ai eu toute une grande discussion avec quelqu'un pendant je ne sais plus qui, et qui me disait, alors, c'est là où ceux qui n'ont pas vu le film, vous allez aux toilettes chercher une bière, une grenadine, enfin quelque chose là, comme ça. Voilà, on vous laisse un petit peu, parce que je vais vous dire, là, je vais vous dire une partie de la fin, donc voilà. Il y a un mot que je trouve magnifique en français. Je n'ai pas vu en anglais, je ne sais pas, enfin magnifique. Qui est difficile, qui est, elle le dit, depuis sa disparition, je n'ai pas cessé de penser à lui. Je me suis remarié, mais... Et donc, disparition peut vouloir dire plusieurs choses. Il est juste parti. Et donc, quelqu'un m'a dit, mais oui, non, mais là, il s'est suicidé. C'est toi. Je fais, non, pourquoi ? Il ne s'est pas montré. Le réalisateur, à un moment donné, ne montre pas. On peut imaginer. On imagine ce qu'on veut. Et j'aime bien cette fin d'une grande ouverture où, finalement, chacun d'entre nous, peut-être par rapport à ce qu'on vit à un moment donné... sans que ça soit non plus une ouverture, non, enfin, n'est pas dans un film où on nous amène vers quelque chose. Mais une fois qu'on nous amène quelque chose, on dit, ben voilà, il y a deux, trois chemins, vous prenez celui que vous voulez. Oui. Ouais, c'est... C'était fait... Par exemple, la fin, j'ai longtemps réfléchi, est-ce que j'arrêtais le film au moment où, du noir ? Ça veut dire au moment où il décide de se suicider, tout simplement. La fin, pendant très longtemps, m'a dérangé telle qu'elle existe aujourd'hui, parce que je me disais, là tu vas pas jusqu'au bout du truc, là tu prends un raccourci, tu vas adoucir le truc. Je voulais pas de quelque chose de, je voulais un film assez violent quand même, hein, je voulais pas. Et j'avoue, je préfère la fin comme ça, telle qu'elle existe, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a plusieurs, il y a des variantes, quoi. Il y a des petites choses où on peut aller dans un sens, dans un autre. Moi, je sais que mon fils, par exemple, quand il a vu le film, il m'a dit, bah, finalement... et ma mère aussi m'a dit la même chose, c'est marrant. Ils m'ont dit tous les deux, finalement, il est mieux là où il est. Il est heureux là où il est. Complètement, ouais. Et bah oui, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est un film super optimiste, en fait. On peut le voir comme ça. Alors, ouais. Si ça peut fonctionner comme ça, j'en suis très content. Parce que, voilà, c'était le but, en tout cas, de cette dernière séquence. C'était pas, elle n'était pas là pour adoucir, mais elle était là pour... Ah, c'est compliqué. Mais elle était là plutôt pour donner un peu d'optimisme. Mmh. Je sais pas si la différence. Précis, ouais. Et moi, je trouve ça très, ouais, non, je trouve ça très important justement. Il y a quelque chose que je voulais dire et d'un seul coup, ça y est, j'ai oublié. C'est un film au passé. Oui, j'aimais beaucoup cette idée. Ouais. De parler de quelqu'un qui a disparu il y a une dizaine d'années. Et qui est et donc évidemment, donc on ne peut pas entendre Edmond. Non. Il n'est plus là, donc voilà, il a disparu. Ça, c'était quelque chose dont tu étais dedans. C'est dommage qu'on n'entende pas Edmond, ou non, il n'y a pas eu du tout. Jamais, non. Non, jamais. Non, il parle une fois, Gilles, qui a animé la séquence derrière la vitre chez Tata Fiesta, le fait parler. On voit le labial qui parle, mais on ne l'entend pas. Mais on l'entend pas. On entend la rue. Et ça me fait. J'adore ce genre de choses. J'aime beaucoup l'idée qu'on n'entende jamais le son de ça. C'est un film qui a super bien démarré sa carrière. Oui. quand on est un réalisateur comme toi qui a eu à la fois donc, l'inventaire fantôme qui a très bien démarré, on en avait déjà parlé ici, hein, Monsieur Coq avait moins bien démarré puis ensuite qui est reparti, etc. Ça, c'est de suite quand on nous dit bah tiens, ouais, t'es en sélection, ceci, cela, j'ai vu, j'ai regardé, hein, je vais l'avoir marqué quelque part. Il y a Anima Mundi, il y a 14 sélections en compétition officielle. Alors que le film est démarré depuis pas si longtemps que ça, puisque il a commencé il y a même pas un mois. Voilà, donc 14 sélections, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais. Sélection officielle, bon, il y a des prix à Annecy, Toronto. On pourrait parler de Tokyo. Ouais. Je reviens la semaine dernière. Ouais. Non, mais c'est ça commence vraiment très. Bon, j'ai jamais fait un film qui a aussi bien marché tout de suite comme ça, qui a autant de et de prix aussi importants que cela. Donc c'est génial, hein. Alors là. Je veux dire, on s'y habitue pas, quoi. Heureusement. Alors, j'ai peut-être m'y habituer, peut-être que je vais devenir. Peut-être me prendre un gros melon, et puis. Tu reviendras plus ici, mais en tout cas. Je reviendrai plus ici. Hein. Tu seras Europe 1. Je serai Europe 1. Voilà, ouais. C'est... Ou chez Radio Courtoisie. Chez Radio Courtoisie, pire, ouais, c'est ça. ça change le quotidien d'un réalisateur, donc, de court-métrage d'animation. Là, d'un seul coup, Edmond, qu'on t'en parle un peu plus, en effet, que les gens, l'ONF, en fait, d'avoir des gens qui s'en occupent aussi. Bah, Papy 3D s'en occupe évidemment très bien, et ouais. Tu l'as dit, mais d'avoir, moi, je sais que j'ai reçu, dès qu'il a eu le prix, l'ONF envoie Edmond, prix spécial du jury. Ils sont super, enfin, parce voilà, qu'ils sont très pros, ils relaient vraiment toutes les informations. Mais aussi dans le bon sens, pas dans le sens bling bling ou con du terme. Ah ouais. Et puis, non, moi je suis très heureux de, comment dirais-je, de défendre le film parce que on me pose des questions sur ce dont j'ai envie de parler. Et on me dit pas, mais alors ça techniquement, c'est parce que la technique, je me la suis coltinée pendant un an sur le film, j'ai fait beaucoup de choses sur le film et sincèrement, ça m'intéresse pas. C'est vraiment quelque chose qui me m'en rends compte, hein, mais c'est quelque chose qui me gonfle de plus en plus. Et là, le fait qu'on parle quasi que du scénario, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Est-ce que le Franck Dion qui était venu ici en faisant Monsieur Coq était combatif, et le Franck Dion là, qui d'un seul coup fait de monter d'un âne a vieilli et d'un seul coup il se dit oh, je vais plus rester combatif et non, je vais... Je suis toujours aussi excité. enfin, j'espère que je suis un peu plus calme, mais... Non, bah, c'est deux projets qui ne sont pas du tout les mêmes. Il y a toujours l'envie de se battre, c'est... je sais que quand je te... Je te voyais, on ne gâche pas. Tu pouvais avoir l'inquiétude de dire tiens, est-ce que je fais un film qui change beaucoup, qui enfin, on se pose beaucoup de questions dans ces cas-là. Oui, tout à fait. Ouais. J'avais pas envie de refaire deux fois la même chose de toute façon. Et puis Edmond, c'est, j'ai l'impression d'être dans une forme de combat. C'est un énorme mot, mais oui, j'ai l'impression de raconter quelque chose, de défendre certaines valeurs qui me sont chères. Ouais, bien sûr, tout à fait. Maintenant que on ne sait pas ce que ça va donner, la gauche est passée. Ouais. Sarkozy, ouais. Ça ne veut pas dire qu'Hollande va faire des miracles, loin de là, on non, le sait. Non, on le sait, oui. Comment on réagit en tant qu'auteur quand même un petit peu engagé, enfin même beaucoup engagé comme toi, et qu'on se dit, je suppose qu'on suit toute la politique, qu'on fait attention à tout, qu'on écoute tout, enfin beaucoup en tout cas, peut-être pas tout, mais... Non. Non, mais moi je suis ravi que cette droite insupportable ait dégagé le plancher... Je suis ravi que la gauche, même Light, ait pris sa place. Maintenant, j'espère que les choses vont se passer pour le mieux. C'est pas très encourageant quand on voit les copains. C'est l'intérêt d'être dans des festivals internationaux. Quand on voit les copains portugais, espagnols, qui n'ont plus une thune pour faire. Déjà qu'ils n'ont pas la chance eux d'avoir un CNC aussi fort que le nôtre. Mais là, ils n'ont plus d'argent pour faire leur film. Regina Pessoa expliquait par exemple qu'en effet, pour Portugal, on lui avait dit vous avez de l'argent, mais peut-être que vous recevrez dans 2 ans, on ne sait pas trop. Ouais, voilà, ouais. Évidemment, c'est la culture qui va pâtir. Il n'y a pas que la culture, tous ces gens qui perdent leur boulot. Enfin bref, je ne vais pas refaire le barbu énervé de M. Coq, mais je pense que de toute façon, en tant qu'artiste, je ne crois pas que je sois plus engagé que d'autres copains à qui on ne pose jamais la question. Mais moi, c'est peut-être parce que ça a été plus visible avec M. Coq. Si j'en étais tenu à l'inventaire fantôme ou à Edmond, peut-être qu'on ne m'aurait pas catégorisé dans cette forme de revendication-là. Mais je pense vraiment, sincèrement, qu'un artiste est engagé, de facto. De facto. Et que si tu n'as rien à dire, je veux pas pourquoi tu fais un film ou le fait de raconter une histoire. Pour reparler de Trump, pour moi, c'est un film engagé. C'est un engagement qui parle de sexualité, qui parle d'une forme de liberté dans la sexualité, d'émancipation aussi. Moi, je vois un film engagé. Je ne vois pas que ça, je vois. Mais voilà. Cette expérience est engagée sans être revendicatif non plus. C'est... Ah oui, alors après, il y a le fait d'être revendicatif. Et c'est vrai que M. Coq, en ce sens, je sais que mon film précédent était revendicatif. Il était non seulement engagé, mais aussi revendicatif. Donc effectivement, il y a une nuance qui est intéressante à soulever. Merci Sandra. C'est un plaisir. Quand on passe de 8 minutes, 10 minutes, 14 minutes, on fait 90 minutes après ? Oui. On s'interdit surtout de refaire un court-métrage avant d'avoir fait un long-métrage, c'est sûr. Donc la prochaine fois que tu viens ici, c'est... Enfin, en tout cas, c'est dans l'envie de nous présenter, enfin de nous parler de... Un long-métrage, j'espère, bien sûr. Ouais. En animation ? Oui, là, apparemment, oui. Ce serait plutôt de l'animation. Donc, si tu dis, en regardant Sandra comme ça, apparemment, ça veut dire qu'il y a déjà... Soit tu as déjà des pistes, tu as déjà des envies, en tout cas, qui sont... Voilà, Et est-ce qu'un film comme Edmond qui marche bien peut permettre à ses envies de se matérialiser un peu plus J'en dirais pas plus, mais oui, parce que il y a des propositions aussi. Il y a des quand on fait un film qui fonctionne et qui, enfin bon, c'est compliqué d'en parler. C'est juste l'idée, c'était de te dire c'est nouveau. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avant il y avait des courts métrages, on pouvait rester sur les courts métrages pendant longtemps en animation, et qu'il y a une envie aujourd'hui d'aller vers le long métrage et de pouvoir parler un peu d'autres choses aussi, parce que le long métrage permet une autre manière. C'est un format intéressant, bien sûr. C'est un format qui m'intéresse énormément, qui fait peur, mais qui m'intéresse énormément. Ouais. Tu viendras nous en parler quand même. Tu resteras pas sur les grosses radios et les grosses télés, si ? Je ferai un détour, quoi. Maintenant que Florentine, pour ceux qui arrivent en retard, a dit qu'elle restait. Bien sûr. Donc voilà. Est-ce que l'émission après Oui, a priori, ils sont là. Écoute, merci à tous les trois d'être venus. Merci Alexis. Merci infiniment. Merci et Florentine. À Florentine, évidemment, merci d'avoir Florentine. Organisé cette émission sans laquelle, évidemment... Je sais, ça l'énerve. elle fait des grands soupirs comme ça, mais c'est tellement vrai que ça fait du bien dire aux gens qu'ils font que merci à eux. Merci à Ariel d'être resté et nous avoir aidé, en effet. Et on va finir, c'est en fait. C'est un plaisir. Quand tu veux. je vais être gentil avec vos oreilles, non, parce que moi j'aime bien tout ce qui est métal et tout. Donc je vous passerai les 18 minutes de Yob là une prochaine fois. Mais écoutez, parce que c'est vraiment bien. On va finir avec la sixième piste, en fait, qui va être complètement différente. Et il reprenait en effet des fois l'international dans ses autres films là, non. On va écouter l'un des plus beaux morceaux, sûrement le plus beau de Edmond Tétanan, qui s'appelle Un bonnet dans la prairie, donc qu'un très très beau morceau de Pierre Caillet, et on se retrouve. On sait pas encore pour juillet. Pour juillet, on va voir, on devrait se retrouver, on se retrouvera. Oui. De toute façon, pour ceux qui comme nous s'aiment d'un si grand amour. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.